Chapitre 13. Tranquillin. Ayant conduit Cricri dans l'appartement vacant au premier étage, appartement où la splendeur se joignait à l'élégance la plus raffinée, venait de le faire visiter en détail à la nouvelle locataire, la traitant, selon les ordres de son maître, avec autant de cérémonieuse déférence que s'il se fût adressé à la femme la plus honorable. Tous deux se trouvaient alors dans l'antichambre. La porte ouverte à deux battants par Tranquillin, il savait son monde, et que l'on ouvre toujours les deux battants d'une porte devant une personne considérable, donnait sur le palier de l'escalier. « Maintenant, madame connaît l'appartement, » dit Tranquillin à Cricri. « Il a de plus, pour dépendance, trois belles chambres de domestique au quatrième étage, et j'ai l'honneur de le répéter à madame, si quelque partie de l'ameublement ou les ornements ne lui paraissent point suffisamment élégants ou riches, elle n'a qu'à parler. Je dois me conformer à tous les désirs de madame. » « Tels sont les ordres de mon honoré maître. »« Je n'en reviens pas. En voilà un de propriétaire qui peut se vanter d'être le phénix de sa vilaine espèce, ordinairement composé de vautours et de fesses Mathieu, » disait Cricri, fort surprise des offres prévenantes de l'intendant. « Quelle drôle de maison. Et vous dites, mon cher, que le prix de cet appartement est de 3 000 francs par an. 6 pièces au premier, meublé comme un palais, c'est donné. Combien Luxeuil paye-t-il le loyer, lui ? Il paye aussi 3 000 francs. » Mais M. de Luxeuil a la jouissance de deux écuries dépendantes du premier étage. Je le crois bien, ce Gripsoula est venu demeurer ici. Il est logé comme un prince, reprend Cricri. Et elle ajoute en riant, va-t-il être surpris et surtout vexé de m'avoir pour voisine? Vexé? Ah, madame, madame, que dites-vous là? M. de Luxeuil est trop galant pour... Lui? Ah ben oui, je vois d'ici le nez qu'il va faire en apprenant que je suis sa voisine. Et c'est justement à cause du nez qu'il fera que je viens m'établir ici. Je comprends. C'est une aimable surprise que madame ménage à monsieur de Luxeuil, chez qui j'ai déjà eu l'avantage de la voir. Tiens, quand donc cela? Hier, dans la matinée, lorsque madame ménageant à monsieur de Luxeuil une autre espèce de surprise, voulait plaisamment tout casser chez lui. Ah, vous étiez là. J'avais cet honneur. Eh bien, je ne vous ai pas remarqué. J'étais si furieuse. Mais la fureur de madame s'est apaisée. Témoin l'aimable surprise qu'elle ménage à M. de Luxeuil. Oui, aimable, à la façon de Barbarie, mon ami. Et riant, Cricri ajoute, « Mon brave homme, savez-vous ce que c'est qu'une scie, vous ?»« Parfaitement, madame. Une scie est un instrument de menuiserie, moyennant lequel, pauvre bonhomme, vous me faites de la peine. »« Moi, grand Dieu, j'aurais le désagrément de faire de la peine à madame. »« Comment, à votre âge ?» Vous ne savez pas ce que c'est qu'une scie en argot de rapin? Ignorant, madame, ce que c'est qu'un rapin, j'ignore conséquemment son argot. Eh bien, mon vieux, une scie en argot d'atelier. Car dis donc, tel que vous me voyez, j'ai fréquenté les ateliers. J'ai posé les torses, moi. Ah, madame a posé les... Mais Tranquillin s'interrompt, ne comprenant pas encore le sens des paroles de la nouvelle locataire, et il reprend. Oserais-je demander à madame, révérence parlée, ce que c'est que... poser les torses. Quel innocent vieillard. J'étais modèle dans les ateliers, quoi donc? Bonté divine, nous aurons pour locataire une créature qui... Tranquillin s'arrête, rougissant de confusion devant une pensée qu'il n'ose même achever. Puis il ajoute à part soi, il me faut obéir à mon dévouement aux ordres de mon honoré maître, pour ne point manifester l'horreur que m'inspire cet impudique. Puis il reprend tout haut et baissant chastement les yeux, pardon madame, je... « Ah, bien, mon cher. Ah bien, mon cher, c'est vous qui joueriez fameusement le rôle de Saint-Antoine dans la tentation, » dit en riant Cricri. « Vous voilà rouge comme un coquelicot. » N'ayant jamais eu jusqu'ici l'avantage de rencontrer de... enfin, la surprise. « Vieille rosière, bah, je t'adore. »« Elle me tutoie, » se disait Tranquillin effaré. « Quelle manière !»« Mais pour en revenir à ce que c'est qu'une scie, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous scie du matin au soir. » En d'autres termes, qui vous embête énormément à tous les instants du jour, reprend Cricri. Or, hier, en m'en allant, j'ai remarqué pour la première fois l'écriteau pendu à la porte cochère. Quel délice! Un appartement loué dans la même maison que Luxeuil, que j'idolâtre, le monstre, et dont je suis jalouse comme une tigresse. Quoiqu'il ne m'ait jamais seulement fait cadeau d'un bouquet, ce Gripsou, et qu'il me fasse souvent défendre sa porte. Aussi, voyez-vous, mon vieux, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. En songeant qu'en demeurant ici, je pourrais être, du matin au soir, sous les talons de Luxeuil, à lui faire des scènes atroces, s'il ne marchait pas à mon idée. Voilà pourquoi j'aurais payé cet appartement les yeux de la tête, et voilà pourquoi j'emménage ici aujourd'hui, car... » Soudain, Cri-Cri s'interrompt, et elle voit à travers la porte de l'antichambre, restée ouverte, M. de Francheville traverser le palier du premier étage et monter à son appartement situé à l'étage supérieur. « Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il vient donc faire ici, mon protecteur ?» dit Cri-Cri, suivant d'un regard surpris M. de Francheville, qui ne l'a point aperçu. Puis, s'adressant à Tranquillin, « Est-ce qu'il vient souvent dans la maison, M. Duport ?»« Quel M. Duport, madame ?»« Le monsieur qui monte l'escalier. » Se disant, Cri-Cri désigne de geste le haut fonctionnaire à l'intendant. Celui-ci lève la tête, regarde et répond. « Madame se trompe. »« Comment je me trompe ?»« Ce monsieur dont elle parle est monsieur de Francheville. »« Allons donc, je n'ai pas la berlue. »« Et je le connais de reste. »« Allez, celui-là, c'est monsieur Duport, un négociant retiré. »« J'affirme à madame que ce monsieur se nomme monsieur de Francheville. »« C'est un de nos locataires. »« Hein ?» fait Cri-Cri avec les signes d'une surprise extrême. « Vous dites ?»« Que ce monsieur loge ici. » « Et qu'il s'appelle ?»« Monsieur de Francheville. »« Lui ?»« Oui, madame. Il est secrétaire du ministre des Travaux publics. »« Secrétaire. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est environ l'homme de confiance du ministre, madame. »« Lui ? Quasi-ministre ? Lui ?»« Sans doute, madame, il exerce haut emploi, la satisfaction générale, car... »« Ah, par exemple ?» reprend Cri-Cri, suffoqué par cette découverte. « Ah, par exemple, en voilà une sévère !» Cri-Cri réfléchit un moment, puis... « Ah ça, monsieur Tranquillin, pas de bêtises au moins. Madame, je... Vous êtes bien sûr de ce que vous dites là ?»« Très sûr, madame. Monsieur de Francheville demeure ici depuis 6 mois. »« Vieux roué, il a 2 appartements. Et il m'a donné un faux nom, » dit Cri-Cri de plus en plus interloqué. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? Ah, je veux, à l'instant même... » Et Cri-Cri s'adressant à l'intendant, « J'entre ici ce soir, c'est entendu. » Je paierai 6 mois d'avance, et voilà toujours pour rare un billet de 1 000 francs. » Et Cri-Cri donne à Tranquillin le billet qu'elle tire de son porte-monnaie, puis se dirigeant rapidement vers l'escalier. « J'ai 2 mots à dire à ce monsieur. Je n'ai plus besoin de vous. Vous pouvez descendre. »« Oh oh !» fit Tranquillin en voyant Cri-Cri monter, 4 à 4, les marches qui conduisaient au second étage. « Mademoiselle Cri-Cri connaît M. de Francheville sous le nom de Duport, négociant retiré. » Item, elle est surprise au dernier point en apprenant le véritable nom et l'emploi de M. de Francheville. Item, elle se propose de plus d'être la scie de M. de Luxeuil. La scie, quel langage! Mais quoi d'étonnant, lorsqu'on a posé, dans les ateliers, des rapins. Et le voilà, nonobstant, notre locataire, agent rougi pour la maison. Allons, néanmoins, sur le champ, instruire mon honoré maître de ces divers incidents. J'enverrai Saturne fermer les portes de l'appartement.